j'ai le droit de rêver. En t'appelant princesse, j'ai le droit de pleurer. D'avoir de la tendresse, j'ai le droit au hasard. Dans une partie de dés, comme on a le droit de pleurer. Quand on est le dernier, j'ai le droit à la drogue. Pour m'échapper à l'alcool, à l'amour. J'ai le droit de baiser, j'ai le droit de me tuer. Pour éviter de voir ce bonhomme t'embrasser. Même s'il fait noir, j'ai le droit à l'amour. Que tu peux me donner le droit de faire un tour. J'ai acheté un ticket, j'ai le droit à la mort. Mais faut pas en abuser, une dernière fois encore. Avant de t'en parler, j'ai le droit au mariage. Moi aussi je veux divorcer. Le droit de me suicider, comme toujours pour t'échapper. J'ai le droit au cadeau que tu veux me donner. Le droit d'être un idiot et de le montrer. J'ai le droit de jouer avec ma guitare, de te regarder dormir, enfin te voir. J'ai le droit de chanter cette humeur d'un soir où le courage d'aimer m'a laissé le cafard. J'ai le droit de chanter cette humeur d'un soir où le courage d'aimer m'a laissé le cafard.